Hallelujah. Alléluia. We bless the Lord so much. Nous bénissons le Seigneur tellement. Today again we are looking at the mighty visitation on the 1st of November. Aujourd'hui encore, on va regarder à propos de la puissante révélation du 1er novembre. The Lord said, when he comes, he'll come like a thief. Le Seigneur a dit, quand je viens, je viendrai comme un voleur. Then surely it is very surprising. Et certainement, c'est très surprenant. Et quand l'Église est juste en train d'entrer au cœur de la repentance, then immediately at that time, ensuite, immédiatement, en ce moment, there you go, he has shown the wedding rings. Là, vous allez, il a montré les anneaux de noces. That means surely the Lord will surprise many people. Ça signifie que le Seigneur va surprendre plusieurs personnes. But I want to take it to another level now. Mais je veux vous amener à un autre niveau maintenant. The two wedding rings that the Lord showed me. Les deux anneaux de noces que le Seigneur m'a montrés. They are very similar. Ils sont très semblables. They are very identical. Ils sont très identiques. So it's amazing that the ring that Christ will wear. Alors c'est étonnant que l'anneau que Christ va porter is the same type of ring that the church will wear. Est le même type d'anneau que l'Église va porter. And so it means a lot to the church. Et alors ça signifie beaucoup pour l'Église. That actually Christ will wear the same ring that she is supposed to wear. C'est que actuellement Christ va porter le même anneau que l'Église est supposée porter. And when you look deep into the meaning of that presentation by the Father. Et quand nous regardons profondément la signification de cette présentation par le Père. You see, number one. Vous voyez, numéro un. That the Lord is asking that the church take a lot more time in preparing the glorious wedding gown. Que le Seigneur demande à l'Église de prendre plus de temps, beaucoup plus de temps, à préparer la robe de mariée. Because you see that the Father himself takes a lot of time preparing the wedding ring for Christ. Parce que vous voyez que le Père lui-même prend beaucoup de temps pour préparer l'anneau de noces de Christ. And number two, that means that Christ will marry only the church that is Christ-like. Et numéro deux, ça signifie que Christ veut épouser seulement l'Église qui est comme Christ. So, again, the two wedding rings being very identical. Alors encore, les deux anneaux de noces étant très identiques, talks about similarity in the identity of the church and Christ. Parle à propos de la similarité et l'identité de l'Église et de Christ. And surely if you look at it very deep, you find that Christ is not going to marry a church that is not Christ-like. Et certainement, si vous regardez à cela très profondément, vous allez voir que Christ ne va pas épouser une église qui n'est pas comme Christ. When I looked at it further, I saw that presenting those two wedding rings was quite a challenge to the church. Quand j'ai regardé à cela plus loin, j'ai vu que présenter ces deux anneaux de noces était plutôt un défi pour l'église. And it is a revelation to the church. Et c'est une révélation pour l'Église. It is a challenge to the church. C'est un défi pour l'Église. In that the church will wear the same type of ring that Christ will wear. Dans cela, l'Église va porter le même type d'anneau que Christ portera. That means in this wedding banquet. Ça signifie que ce banquet de noces. The Father has prepared a place, a seat for Christ and the church, the same place, they are at the same level. Le Père a préparé une place, un siège pour Christ et l'Église. La même place, ils sont au même niveau. That is a mighty challenge to the church. C'est un puissant défi pour l'Église. And many times before you go into a wedding or a marriage. Et bien souvent, avant que vous alliez à un mariage ou une noce, You always want to know what does the other person like that can make us get married or wed together. Vous désirez toujours savoir ce que l'autre personne aime, ce qui peut nous amener à nous marier ou à nous épouser ensemble. You have to have some things in common, likeness. Vous avez besoin d'avoir certaines choses en commun, de la ressemblance. So when Jehovah presented those two wedding rings as very similar, exact. Alors, quand le Père a présenté ces deux anneaux de noces très similaires, exacts. And yet, looking at the character of Christ Jesus as being very holy. Maintenant, regardez au caractère de Christ Jésus comme étant très saint. You can't help but wonder. Vous pouvez pas aider mais être étonné. And wonder what church will make it into the wedding supper of the Lamb of God. Et vous demandez quelle église va être enlevée pour entrer dans le souper de noces de Dieu. That means actually the church that makes it into the rapture. Ça signifie actuellement que l'église qui sera enlevée has to wear the likeness of Christ. A porté la ressemblance de Christ. Now considering the church where she is now, that's a very big challenge the Lord has presented. Maintenant, considérant l'église où elle est maintenant, c'est un très grand défi que le Seigneur a présenté. And the Lord tells us very clearly that Christ is coming to marry his bride, the church. Et le Seigneur nous dit très clairement que Christ vient pour épouser son épouse, l'église. But he says the perfect bride of Christ. Mais il dit l'épouse parfaite de Christ. Because our Lord, he is perfect. He's a perfect bridegroom. Parce que notre Seigneur, il est parfait. Il est le parfait époux. In the book of John, chapter 15. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15. This is what he says. C'est ce qu'il dit. He says from verse 4. Il dit depuis le verset 4. Remain in me. Demeurez en moi. And I will remain in you. Et je demeurerai en vous. No branch can bear fruit by itself. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, it must remain in the vine. S'il ne demeure attaché au cep, neither can you bear fruit unless you remain in me. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. I am the vine. Je suis le cep. And you are the branches. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. And I in him. Et en qui je demeure. He will bear much fruit. Porte beaucoup de fruits. Apart from me, you can do nothing. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. If anyone does not remain in me. Si quelqu'un ne demeure pas en moi. He is like a branch that is thrown away and withers. Il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Such branches are picked and thrown into the unquenchable fire. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Now listen to me, precious listeners. Maintenant, écoutez-moi, précieux auditeurs. When our Father Jehovah presented those two wedding rings, quand notre Père, Jéhovah, a présenté ces deux anneaux de noces, surely it's such a wonderful presentation by our Lord, our Father. Certainement, c'était une merveilleuse présentation de notre Seigneur Père. And it is fulfillment of Bible prophecy. Et c'est un accomplissement de la prophétie de la Bible. And it speaks of the faithfulness of our God. Et il parle à propos de la fidélité de notre Dieu. Because all these things were written in the Bible. Parce que toutes ces choses qu'on a héritées dans la Bible. The time will come when Christ will come and marry the church. Le temps va venir où Christ va venir et marier l'Église. Wed the church. Marier l'Église. And when he showed on the 1st of November 2006 those two rings. Et quand il a montré le 1er novembre 2006 ces deux anneaux. That represents the faithfulness of our Father Jehovah to the church. Ça représente la fidélité de notre Père Jéhovah à l'Église. I promised you. Je vous ai promis. And I will fulfill it. It will take place. Et je vais l'accomplir et ça va prendre place. But I am still talking about the identity of the two rings. Et je suis toujours en train de parler de l'identité des deux anneaux. As I talk about the faithfulness of the Father. Tout comme j'ai parlé à propos de la fidélité du Père. So the question is, alors la question est, if our God is faithful, si notre Dieu est fidèle, and finally he has shown the rings, et finalement il a montré les anneaux, meaning that I promised you a wedding will take place. Signifiant que je vous ai promis un mariage aura lieu. Has the church been faithful to God? Est-ce que l'Église a été fidèle à Dieu? Has the church been faithful to Christ Jesus? Est-ce que l'Église a été fidèle à Christ, à Jésus-Christ? So you see that the presenting of the two rings, et vous voyez que la présentation de ces deux anneaux, as being very identical, comme étant vraiment identique, is a big challenge to the church, especially in these last days. Est un grand défi à l'Église, et spécialement dans ces derniers temps. Because that means the church has to walk in the holiness of Christ. Parce que ça signifie que l'Église a à travailler à la sainteté de Christ. There is no way Christ is going to marry the church if she has not walked in the holiness of Christ. En aucune manière, Christ va marier l'Église si elle n'a pas marché dans la sainteté de Christ. That's why he said, remain in me. C'est pourquoi il dit, demeurez en moi. So I can be in you. Comme ça, je peux être en vous. When you remain in Christ Jesus, quand vous demeurez en Jésus Christ, you grow in Christ Jesus, vous croissez en Jésus Christ, to complete stature and maturity as a bride of Christ. Pour compléter la stature et la maturité de l'épouse de Christ. And he's saying, then you can bear fruit. Et il est en train de dire, là vous allez porter des fruits. Much fruit. Beaucoup de fruits. But if you don't remain in him, mais si vous ne demeurez pas en lui, he says you are like branches that are cut off. Il dit que vous êtes comme un sarment qu'on coupe. And thrown into the fire that is unquenchable. Et jeté dans le feu qui ne s'éteint pas. So I want to ask the Church of Christ today. Alors je veux demander à l'Église de Christ aujourd'hui. I sang, let us prepare, the kingdom of God is near. J'ai chanté, préparez-vous, le royaume de Dieu est prêt. I sang, the Lord, he has spoken with me about the rapture. J'ai chanté, le Seigneur a parlé avec moi à propos de l'enlèvement. I sang, John the Baptist has been presented on my right hand side. J'ai chanté, le Jean Baptiste a été présenté à ma droite. I sang, let us walk in holiness and complete righteousness. J'ai chanté, marchons dans la sainteté et dans la justice. I sang, let us repent and return to Jehovah. J'ai chanté, repentons-nous et retournons à Jéhovah. But now the Father has surprised us by suddenly showing the wedding rings. Et maintenant, le Seigneur nous a surpris en me montrant soudainement les anneaux de noces. So my question to you is this. Alors, ma question pour vous est, have you remained in Christ Jesus? Demeurez-vous en Jésus-Christ? Because if you remain in Christ Jesus, parce que si vous demeurez en Jésus-Christ, you have no choice but to walk in complete holiness. Vous n'avez pas de choix mais de marcher dans la complète sainteté. Has the church in Kenya remained in Christ Jesus? Est-ce que l'Église du Kenya demeure en Jésus-Christ? Because he says, remain in me. Parce qu'il est dit, demeure en moi. And I will remain in you. Et je vais demeurer en vous. And he also says, no branch can bear fruit by itself. Il dit aussi, aucune branche ne peut porter du fruit par elle-même. It must remain in the vine. Elle doit demeurer dans le cep. For me, the two rings to be identical is a very big challenge to the church. Pour moi, les deux anneaux étant identiques est un très grand défi pour l'Église. Because I begin to understand that the church has to wear the likeness of Christ in order to be able to marry Christ. Parce que je commence à comprendre que l'Église doit marcher en ressemblance à Christ afin d'être capable d'épouser Christ. And yet I see very clearly the Lord saying that Him and the Father, they are one. Et maintenant, je vois vraiment clairement que le Seigneur disant que Lui et le Père, ils sont un. Because He says in the book of John, chapter 14. Parce qu'il dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 14. He talks very clearly on verse 20. Il parle très clairement au verset 20. On that day you realize that I am in my Father. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. And you are in me. Que vous êtes en moi. And I am in you. Et que je suis en vous. And you begin to understand that when you draw into the likeness of Christ. Alors vous commencez à comprendre que quand vous vous approchez de la ressemblance à Christ, you are actually entering into the likeness of the Father. Vous êtes actuellement en train d'entrer dans la ressemblance au Père. Again, John chapter 14, verse 20. Encore, Jean chapitre 14, verset 20. He says, on that day you realize that I am in my Father. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. And you are in me. Et que vous êtes en moi. And I am in you. Et que je suis en vous. Then he continues to say, whoever has my command and obeys them. Celui qui a mes commandements et qui les garde. He is the one who loves me. Celui qui m'aime. He who loves me will be loved by my Father. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. And I too will love him. Et aussi je l'aimerai. And show myself to him. Et je me ferai connaître à lui. And he says, whoever has seen the Son has seen the Father. Et il dit, celui qui a vu le Fils a vu le Père. So actually the church is being called to wear the righteousness and the likeness of Christ. Alors actuellement, l'Église a été appelée à revêtir la justice et la ressemblance de Christ. The holiness of Christ. La sainteté de Christ. And also the holiness of the Father. Et aussi la sainteté du Père. So in other words, the church is being called to be in the likeness of God. Alors, en d'autres mots, l'Église a été appelée à être à la ressemblance de Dieu. And when I looked at the two wedding rings, how identical they are. Et quand je vois les deux anneaux de noces, combien ils sont identiques. It is both humbling and shocking. Ce sont tous les deux humiliants et choquants. Because you see that if you are going to be alike to Christ, then you are alike to the Father. Parce que vous voyez que si vous allez devenir comme Christ, vous allez être aussi comme le Père. But when I looked at the two wedding rings, even when heaven opened, when he was changing shape and showing them to me. Mais quand j'ai vu les deux anneaux de noces, quand il a ouvert le ciel, quand il les changeait de position et me les montrait, I saw the completion of the prophecy of the faithfulness of God to man. J'ai vu l'accomplissement de la prophétie de la fidélité de Dieu à l'homme. I saw God coming in the likeness of man. J'ai vu Dieu venant dans la ressemblance à l'homme. To marry man. Pour épouser l'homme. To wed the church. Pour épouser l'Église. Surely, it is very humbling. Très certainement, c'est très humiliant. That talks of the humbleness of God in Christ Jesus. Ça parle de l'humilité de Dieu en Jésus-Christ. So our Lord Jesus can be able to come alors notre Seigneur Jésus peut être capable de venir from above the higher heavens where he's seated as the King of Glory. Depuis en haut dans les cieux élevés où il est assis comme roi de gloire. And come down and be equal with man. Et descendre et être égal à l'homme. And then wed the church. Et ensuite épouser l'église. I did not see any bigger type of ring, but this is now for the Lord and this. Je n'ai pas vu d'autre type d'anneau plus grand. Celui-ci est pour le Seigneur et cela. I saw the same types of ring, two similar rings, two same rings. J'ai vu le même type d'anneau, deux anneaux similaires, deux mêmes anneaux. It makes me wonder what church will marry Christ if it's not a remnant church. Je me demande quelle église va épouser Christ si ce n'est pas un reste d'église. The two rings being very similar means we have to wear the identity of Christ. Les deux anneaux très semblables représentent que nous devons revêtir l'identité de Christ. No wonder he says, remain in me and I will remain in you. Pas étonnant qu'il dise, demeurez en moi et je demeurerai en vous. The book of 2 Corinthians chapter 6, I'm taking it to the next level. Le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, je vais vous amener à un autre niveau. He says from verse 14, do not be yoked together with unbelievers. Il dit au verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. For what does righteousness and wickedness have in common? Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Or what fellowship can light have with darkness? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Or what harmony is there between Christ and Belial? Quel accord y a-t-il entre Christ et Belial? What does a believer have in common with an unbeliever? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? What agreement is there between the temple of God and idols? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? For we are the temple of the living God. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. As God has said, I will live with them and walk among them. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. And I'll be their God and they will be my people. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. So you see very, very clearly, he says, therefore come out of them and be separate, says the Lord. Alors vous voyez vraiment clairement, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. So it becomes very clear that even in so, Christ cannot be yoked with an unbeliever. Alors ça devient très clair que vous voyez là, Christ ne peut pas être sous le même joug avec un non-croyant. That means Christ cannot be yoked or wedded with an unbelieving church. Que Christ ne peut pas être mis sous un même joug avec une église qui n'est pas vraiment croyante. I'm just looking at one aspect of those rings being very identical. Je suis juste en train de regarder un aspect de ces anneaux étant très identique. We have said that. Nous avons dit que the way the rings have been perfected speaks about the perfection of sainthood that is required of you. La manière dont les anneaux ont été perfectionné parle à propos de la perfection de la sainteté qui est exigée de vous. You're supposed to be a perfect saint. Vous êtes supposé être un saint parfait. And all these things we are talking hinge on the Holy Spirit. Et toutes ces choses dont nous parlons dépendent du Saint-Esprit. Remember, he said like it was during the time of Noah, so will it be at the coming of the Son of Man. Souvenez-vous, il a dit, comme c'était durant le temps de Noé, alors il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. When I looked at those two rings being very perfect and similar, quand je regarde à propos de ces deux anneaux étant parfaits et semblables, I saw the fulfillment of the book of Matthew chapter 24 verse 37. J'ai vu l'accomplissement de l'évangile de Matthieu chapitre 24 verset 37. Where he said, like it was during the time of Noah, so will it be at the coming of the Son of Man. Où il dit, comme c'était du temps de Noé, alors il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Because during the time of Noah, people were busy doing their own things. Parce que du temps de Noé, les gens étaient occupés à faire leurs propres choses. When the message was out for the church to repent and get out of wickedness. Quand le message était donné à l'Église de se repentir et de sortir de la méchanceté. They were lovers of pleasure. Et amoureux des plaisirs. They were marrying and drinking and eating. Ils se mariaient et buvaient et mangeaient. And when I saw the perfection of the two rings and being identical. Et quand j'ai vu la perfection des deux anneaux étant identiques, I began to understand that for the church to reach the perfection of Christ, the church needs to put in a lot of work. J'ai commencé à comprendre que pour l'Église de rejoindre la perfection de Christ, l'Église a besoin de travailler beaucoup. And the other thing I saw. Et l'autre chose que j'ai vue. In the two rings being very identical and similar. Dans les deux anneaux étant très identiques et similaires. Is the fact that during the time of Noah, actually very few made it into heaven. Dans le fait que du temps de Noé, très peu sont entrés au ciel. Actually, only Noah's family made it into the ark. Actuellement, seulement Noé et sa famille sont entrés dans l'arche. So the perfection of Christ that is required of the church is still lacking now if you see the church that you have today. Alors, la perfection de Christ qui est exigée de l'Église manque encore maintenant, si vous voyez l'Église que vous avez aujourd'hui. So it's amazing to me that alors ça m'étonne que actually there will be only a small percentage, a small fraction, a remnant, like it was during the time of Noah, only a small remnant will make it into the wedding banquet of Christ. Actuellement, ce sera seulement un petit pourcentage, une petite fraction, un restant, comme c'était du temps de Noé. Seul un petit restant va participer au banquet de noces de Christ. Actually, that really fulfills the prophecy the Lord gave in Matthew 24, verse 37. Actuellement, cela accomplit réellement la prophétie de Matthieu 24, verset 37. That like it was during the time of Noah, so will it be at the coming of the Son of Man. Comme c'était du temps de Noé, alors ce sera la même chose lors de la venue du Fils de l'homme. Because when you look at the church in the four corners of the earth, parce que quand vous regardez à l'Église dans les quatre coins du monde, the five continents, if you just look very clearly at the five continents, les cinq continents, quand vous voyez vraiment clairement les cinq continents, you see that the church has not even moved close. Vous voyez que l'Église n'a même pas, ne s'est pas même rapprochée to the primitive church. De l'Église primitive. And remember that. Et souvenez-vous que the latter church is supposed to have been more anointed. La dernière Église est supposée être plus ointe. So that the latter church can be Christ-like. Alors, la dernière Église peut être semblable à Christ. And marry Christ. Et épouser Christ. And you see that when the Father presented those rings. Et vous voyez, quand le Père présentait ses anneaux. Even flashing the rings when he was flipping them from side to side. Même éclairant les anneaux quand il les bougeait d'un côté à l'autre. He talks about the pride he had. He was saying, "Look how precious my wedding rings are." Il parle à propos de la fierté qu'il avait. Il était en train de dire combien précieux sont mes anneaux de noces. Who is this church that is going to wear this ring? Qui est cette église qui va porter cet anneau. Look, my wedding is ready. Regarde, mon mariage est prêt. But who is going to be worthy to wear this wedding ring? Mais qui va être digne de porter cet anneau de mariage? It is going to boil down to the Holy Spirit of Jehovah God. Ça va être concentré sur le Saint-Esprit du Jéhovah Dieu. Alléluia. Alléluia. When the Father presented the wedding rings. Quand le Père a présenté les anneaux de noces. Actually, it also presented a challenge to the church. Actuellement, il a aussi présenté le défi à l'Église. And it also talks about the fact that Et il est aussi dit à propos du fait que he is going to be very firm to the letter of the word written in the Bible. Il va être très ferme avec la lettre de la parole écrite dans la Bible. Because the Bible says he will marry a perfect bride. Christ will marry a perfect bride. Parce que la Bible dit qu'il veut épouser une épouse parfaite. Christ veut épouser une épouse parfaite. But what is surprising that we've seen here is that Christ is saying, remain in me so I can also remain in you. Mais qu'est-ce que c'est surprenant que nous ayons vu ici que Christ dit, demeurez en moi et alors je peux aussi demeurer en vous. And I'm very sorry to say that actually the church today has not remained in Christ Jesus. Et je suis très triste de dire que actuellement l'Église d'aujourd'hui n'est pas en train de demeurer en Jésus-Christ. That is the challenge. That is the challenge that the two wedding rings present to the church. Ça c'est le défi que les deux anneaux de noces présentent à l'Église. I know that it takes a bit of time. Je sais que cela prend un peu de temps. And for the bride of Christ to receive the Lord, pour l'épouse de Christ de recevoir le Seigneur, and then mature up, be a mature bride, which means walk in the Spirit, and yet time is out. Et ensuite mûrir, être une épouse mature, ce qui signifie marcher dans l'Esprit. Et maintenant, le temps est fini. I want you again to remember that Christ will marry only a Christ-like church. Et j'aimerais encore vous rappeler que Christ va épouser seulement une église semblable à Christ. That has remained in him. Qui est demeurée en lui. That's why he said, remain in me and I'll remain in you. C'est pourquoi il dit, demeurez en moi et alors je demeurerai en vous. But what is even more scary is the fact that he says, mais ce qui est même plus terrifiant, c'est le fait qu'il dit, him and the Father, they are one. If you remain in him, lui et le Père, ils sont un. Si vous demeurez en lui, then he in the Father, in other words, you will wear the likeness of Jehovah God the Father. Alors lui dans le Père, en d'autres mots, vous vous vêtirez de la ressemblance de Jéhovah Dieu le Père. The book of Ephesians chapter 4. Le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verses 8 to 15. Les versets 8 à 15. And this is what he says here. C'est ce qu'il dit ici. This is why it says. C'est pourquoi il est dit. When he ascended on high, he led the captives in his train and gave gifts to men. Étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. That is the rapture of the church. Ça c'est l'enlèvement de l'Église. Again, when he ascended on high, étant monté dans les hauteurs, he led captives in his train, il a emmené des captifs, and gave gifts to men. Et il a fait des dons aux hommes. Listen to verse 9. Écoutez le verset 9. What does he ascended mean except that he also descended to the lower earthly regions? Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Look at this now. Regardez à ça maintenant. He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Verse 14, it says, then we will no longer be infants tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and the craftiness of men in their deceitful schemes. Voyez maintenant le verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. And look at what he says here. Et regardez ce qu'il dit ici. Verse 15. Le verset 15. Instead of speaking the truth in love, mais en professant la vérité dans l'amour, we will in all things grow up into him who is the head, that is Christ. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. So in other words, he's saying that you are able to grow into the full stature of Christ Jesus. En d'autres mots, il dit que vous êtes capable de croître dans la pleine stature de Jésus-Christ. Examine yourself even now as you listen to this radio. Examinez-vous vous-même maintenant que vous êtes en train d'écouter cette radio. Have you reached a place now that the Spirit of the Lord is telling you that look, you have grown to a stature that is in the likeness of Christ? Avez-vous atteint la place maintenant où l'Esprit du Seigneur vous dit, regarde, vous avez grandi jusqu'à une stature qui est dans la ressemblance de Christ. I know that a large percentage of the church has not even received the Holy Spirit. Je sais qu'un large pourcent de l'Église n'a même pas reçu le Saint-Esprit. So surely when the Lord Jehovah presented the two rings and he was flipping them like this. Alors certainement, quand le Seigneur présentait les deux anneaux qui bougeaient comme ceci. Number one, it was a big source of joy. Numéro un, c'était une grande source de joie. That our God is so faithful to mere men. Que notre Dieu est si fidèle à de simples hommes. In fact, our God is so faithful that every word he wrote for man that he will do, he is fulfilling. En fait, Dieu est si fidèle que pour chaque mot qu'il a écrit pour les hommes, il veut faire son accomplissement. Number two, it speaks about the generation you are in. Nombre deux, il parle à propos de la génération dans laquelle vous êtes. And that means that you are the generation that will see the fulfillment of Bible prophecy. Ça signifie vous allez être la génération qui va voir l'accomplissement de la prophétie de la Bible. But number three, it also presents a very, very high challenge to the church, that is you, the Christian. Numéro trois, il présente un très puissant défi à l'Église, qui est vous, les chrétiens. How powerful Christ is, we have seen in the book of Ephesians chapter 4. Combien puissant est Christ que vous avez vu dans Ephésiens chapitre 4? That actually he ascended above the higher heavens, above. Actuellement, il est monté au-dessus de tous les cieux, au-dessus. So he could fill the universe. Alors il peut remplir l'univers. So it's amazing to me that the same wedding ring he will wear is the same ring he will wear. C'est impressionnant pour moi, le même anneau qu'il va porter sera aussi le même que vous porterez. This is one of the biggest mysteries ever in creation. Ça, c'est un des plus grands mystères de la création. So you begin to understand that how is it possible that God can be in the likeness of man? Alors, vous commencez à comprendre comment est-il possible que Dieu puisse être à la ressemblance de l'homme. And equate himself to man. Et il se met sur le même pied que l'homme. And the two rings again in number five. Et les deux anneaux Encore au nombre 5. Speaks about the disappointment that is likely to be presented by the church. Parle à propos du désappointement qui est probablement présenté par l'Église to the Lord. Au Seigneur. Because surely speaking, looking at the church today. Parce que, en parlant sincèrement, regardant l'Église aujourd'hui, is the church able to be in the likeness, in the full stature of Christ Jesus? Est-ce que l'Église est capable d'être dans la ressemblance, dans la pleine stature de Christ Jésus? In other words, he's saying mature, not swayed left and right by false teachings, speaking the truth and operating as a mature bride, preparing for the bridegroom. En d'autres mots, il dit mature, qui ne soit pas influencé de gauche à droite par de faux enseignements, disant la vérité et opérant comme une épouse mature, se préparant pour l'époux. And yet he says a vine that does not bear fruit is a vine that is not in him, has not remained in him. Et il dit qu'une vigne qui ne porte pas de fruits est une vigne qui n'est pas en lui, qui ne demeure pas en lui. And he says it's cut and thrown into fire. Et il dit c'est coupé et jeté dans le feu. When you look at yourself today, quand vous regardez à vous-même aujourd'hui, do you see yourself wearing that glorious, golden, powerful wedding ring with Christ? Est-ce que vous vous voyez vous-même en train de porter ce glorieux, puissant anneau de noces en or avec Christ? Have you remained in Christ Jesus? Êtes-vous en train de demeurer en Jésus-Christ? Remain in me. Demeurez en moi. And I will remain in you. Et je demeurerai en vous. Remain in me. Demeurez en moi. And I'll remain in you. Et je demeurerai en vous. Have you remained in Christ Jesus? Êtes-vous en train de demeurer en Jésus-Christ? Because the word of the Lord says, parce que la parole de Dieu dit, be not yoked unequally. Ne soyez pas sous un joug égal. With unbelievers. Avec les incroyants. Remain in me. Demeurez en moi. And I'll remain in you. Et je demeurerai en vous. That means you will be Christ-like. Ça signifie que vous allez être comme Christ, à la ressemblance de Christ. Have you remained in Christ? Êtes-vous en train de demeurer en Christ? Shalom. Shalom.